Bonjour madame, je vous sers ? Ah oui, je voudrais 1 kilo de pêche et un peu de raisin. Comme ça ? Une livre ? Oui, je voudrais aussi 1 litre de lait, un pot de confiture et un paquet de café. De la confiture de fraises ? Non, d'abricots.